Allez-vous? Vous entendez en arrière? Par télépathie, vous entendez-vous? Oui. Un, deux, un, deux. Je répète, pour les séminaristes, le prochain PMC+, aura lieu le 4 mars, et le thème, c'est les entités mononcielles et la fusion avec son double éthérique. Ceux qui veulent y assister, c'est mieux de s'y inscrire avant. Je vais voir avec la période de questions. Est-ce que être renfermé, c'est être inhibé? Si c'est à Saint-Vincent-de-Paul. Dans la personne de dire renfermé à l'intérieur d'elle. Okay. Est-ce qu'être renfermé, cela veut dire être inhibé? Pas nécessairement. Et ça dépend de ce que l'on entend, l'on entend par renfermé. Quelle est la différence? Bon. Une personne inhibée est une personne qui mécaniquement ne peut pas faire quelque chose, alors qu'une personne renfermée peut être une personne qui, par l'éducation, que ce soit l'éducation de la vie, l'éducation familiale, scolaire, théologique, etc., lui est interdit de faire certaines choses. Alors, tu voudrais le faire, mais tu te sens tellement coupable. Si on te déculpabilise, immédiatement, tu peux le faire. Tu n'étais donc pas inhibé, tu étais culpabilisé. Alors, c'est donc que plusieurs personnes sont renfermées de par leur éducation. Maintenant, il y a autre chose. Il y a, oui, nécessairement, l'inhibition va engendrer quelque chose qui ressemble à une personne renfermée. Parce que la personne ne rencontre pas d'individus qui ont suffisamment de valeur pour qu'elle puisse, elle, communiquer certaines choses. Valeur énergétique. De ce fait, l'inhibition peut aussi engendrer quelque chose qui ressemble à une personne qui est renfermée. Sauf que, on a, dans l'inhibition, rarement on va rencontrer un être inhibé à 100%. Il y a toujours dans l'inhibition un facteur où tu peux t'exprimer, où tu peux jouer. Et si tu es inhibé à un point tel que tu es à traiter, que tu es pathologiquement, disons, renfermé, il y a des inhibitions dans la vie de l'individu et il y a aussi une forme de phénomène de renfermement qui provient de l'expérience psychologique. Avec la pratique de la main gauche, est-il possible que je devienne maladroite de la droite? Si ma droite oublie-t-elle ses mémoires? Non. Si vous étiez maladroite de la gauche, vous deviendrez mal à gauche de la droite. Hein? Mais tout est possible. Alors, c'est... Regardez. Quand vous écrivez de la gauche, avez-vous de la difficulté à droite? Oui, ben voilà, c'est possible. Ouais, c'est simple, c'est réglé. Et si vous n'avez pas de difficulté, ben non. Vous êtes capable de répondre. Ne peut-on dire vous au mental? On peut dire vous à n'importe quoi. Sauf que lorsque l'on s'adresse à un individu, si je dis à une personne « vous », à une personne, c'est que je m'adresse à son mental et à son astral, ou à son astral et à plusieurs parties qui constituent son ego, qui constituent son corps astral. Lorsque l'on fait « entêtre intelligent », quand il y a une communication par l'intelligence, on se dit « tu ». On parle à une unité, on ne parle pas à plusieurs unités. Maintenant, l'ego qui joue le jeu du mental et le mental, ça donne comme si on avait deux mentales. On peut dire vous. Mais le mental lui-même, la logique même du mental lui permet d'accepter le mot « tu ». Dans la langue anglaise, « tu » et « vous », ça s'écrit et ça se prononce de la même façon. Est-ce qu'il y a une différence entre la relation entre les individus à ce niveau-là? Bien, il y a une grande différence au niveau de la relation, pour la simple raison que il n'y a pas le terme, il y aura un terme de politesse pluralisé, mais qui n'est pas celui, nous on emploie le mot « vous » simplement parce qu'on emploie le terme, le pronom pluriel. Bon, dans d'autres langues, on a aussi d'autres façons de rendre de plusieurs une chose. Dans la langue anglaise, dans la communication courante, on ne l'aura pas, ce qui va faire de la langue anglaise surtout la langue des affaires, où on est capable de s'adresser directement à la parcelle de l'individu qui parle d'affaires. Quand on va dans des langues où on demande beaucoup plus de ce qu'on appelle la politesse, c'est-à-dire qu'on demande à l'individu de le flatter, alors si on regarde le mot « vous », c'est une façon d'être poli, donc de polir, de flatter l'individu pour qu'il se retrouve plus beau. Et quand on a ce genre de communication, plus souvent qu'autrement, ces langages-là ne permettent pas d'aboutir rapidement. Dans l'Antiquité, on a commencé à vouvoyer uniquement les individus qui réincarnaient plus expressivement des mémoires incarnationnelles. en l'occurrence les rois. Et on disait au roi, vous êtes joli, vous êtes beau, ou encore vous êtes puissant. Et le roi répondait, oui, nous sommes effectivement puissants. Bon, lui se nounouillait, et nous on le vouvoyait. Il a fini par faire des nounounes. Ben, ça a fait en tout cas des rois qui sont partis. La canne rouillée me fait penser à la pomme du paradis terrestre. Est-ce que ça veut dire que la personne pense que Dieu est un pollueur? Je sais pas. Parce que dans ça là il n'y avait pas de jus de pomme, c'était des pommes naturelles. Je sais pas si c'est des insecticides. C'est similaire, sauf qu'il y a une nuance, c'est qu'il y a eu la pomme. L'individu Adam et Ève sont totalement désinhibés pour la simple raison qu'ils n'ont jamais connu d'inhibition, sont donc totalement libérés. Et on va parvenir à un moment donné à un niveau qui est similaire, désinhibé. Le niveau, est-ce qu'il va être similaire ou plus élevé? Similaire dans la forme. Plus élevé, non. C'est plus élevé en vibration, plus élevé qualité. En énergie. En meilleure qualité, même pas. À l'époque d'Adam et Ève, même ça, c'est quand même, c'est pas tout à fait, il y avait plusieurs Adam, plusieurs Ève, plusieurs pommiers. Mais en qualité, c'est même pas nécessaire. Eux n'avaient pas faim, n'étaient pas malades, ne mouraient pas, etc., etc., etc., etc. Il n'y avait pas besoin d'automobile, il était déjà rendu ce qu'il voulait aller. En termes de qualité, non. En termes de conscience, de compréhension, oui. Donc, le paradis terrestre, c'est une finalité planétaire. Ce n'est pas une finalité au niveau de l'évolution cosmique. Et l'être humain va parvenir à se rendre, comme tout à l'heure, je disais, fouillez chez vous, il y a possiblement des vibrations paradisiaques, des vibrations utopiques, un petit quelque chose dans la relation qu'on ne trouve pas sur la planète. On en parle en philosophie d'amour, alors que l'amour sur la planète Terre, c'est, ça n'a rien à voir avec l'idée en question. Il n'y a pas de respect là-dedans. Je ne parle pas de la philosophie, je parle de ce qu'on applique. C'est exactement comme si le paradis, la pomme, etc., Adam et Ève, c'est une clé, hein? Puis il y a une serrure pour ouvrir. Sauf que leur clé, elle contient 23 000 dents, 40 rainures, c'est la clé. Chaque fois qu'ils la mettent dans la serrure, elle ne tourne pas. Après quelques milliards d'années, ben disons des millions dans leur cas, d'évolution, on est revenu avec la même crise de clé, avec une dent en moins. C'est similaire. C'est pareil. Ça rentre dans la serrure, elle tourne. Et ça change tout. Mais il n'y a pas grand nuance. C'est quelqu'un qui regarde sans subtilité de conscience voit la même clé. Avec la même serrure. Il y a une nuance. La nuance, c'est quoi? Ben, il y a une des milliers de dents qui est légèrement différente, qui fait que la clé va tourner. Mais c'est pareil. Mais c'est pas pareil du tout. Bon, tu donnais tout à l'heure un exemple quand on jasait en haut. Entre libéré puis désinhibé, c'est la même chose que vous achetez un billet de loterie. Adam et Ève, eux, ils ont le... Ils gagnent. Pour gagner, il faut le numéro 200 000. Disons 2000. Adam et Ève, ils ont le billet 1000. Alors, il y a 1000 de différence. Ils perdent. Dans l'évolution de l'humain, on est rendu à mettre 1, 9, 9, 9. 1999. Là, il y a 1 de différence. On devrait gagner. C'est très proche. Ça ne gagne pas non plus. Ou tu aurais 2, 0, 0, 1. Puis le billet gagnant, c'est 2, 0, 0, 0. C'est sûr que ça paraît comme gros. Si le prix est de 2 milliards, ben le petit 1 à la fin, là, il est vraiment plus gros. Mais il fait la différence entre un gagnant et un perdant. Alors, être désinhibé, c'est comme similaire à être libéré. Avec une nuance d'intelligence, une nuance énergétique, une nuance sentimentique, telle que c'est comme avoir la bonne clé pour démarrer son automobile et avoir la mauvaise clé. Il y a une crise de différence. Le détail n'est pas gros, mais ce que ça change, oh, ça c'est énorme. Pourquoi ça me brasse comme ça? Parce que vous êtes assis sur une colonne que l'orchestre est juste en dessous. Ça brasse uniquement parce que l'ego n'est pas habitué à recevoir certaines formes d'énergie, certaines formes de communication. Et lorsque moi je parle, entre autres, il y a, outre la parole, dans la voix, il y a aussi beaucoup d'énergie de communiquer. Cette énergie-là, elle ne peut pas vous pénétrer. Elle arrête à votre tympan, elle arrête à votre corps vital, sauf qu'elle a la faculté, comme le son, de faire vibrer. Quand ma conscience amène le mot « pomme », j'ai un interpréteur, un centre laryngé, qui transforme l'idée ou le mot « pomme » en parole. Par les cordes vocales, la langue, la bouche, etc., et le système pulmonaire, je dis « pomme ». Le mot, dans une onde, s'en va dans l'air, frappe votre tympan, et ça ne pénètre pas plus loin. Ça fera vibrer le tympan, et ça va recréer à même vos énergies, la vibration « pomme », qui, par la suite, va être décodée dans votre cerveau, amenée à votre conscience, comme ça devrait être dans la mienne. Ah, il y a eu beaucoup de décoloration, ce qui fait que plus souvent qu'autrement, on n'a pas la même vision du mot « pomme ». Mais on parle quand même de la même chose. Quand l'ego, quand je parle, les corps vitaux, les tympans, etc., vibrent, et à même vos énergies, que plus souvent qu'autrement, vous n'arrivez pas à stimuler, ça va venir, évidemment, vous êtes capable de vous auto-stimuler, eh bien, par exemple, les choses que je vais dire, pas nécessairement la chose que je dis, mais la façon dont je le dis, cela fait surgir, brasse des énergies, et l'ego, lui, sent quelque chose de neuf chez lui, et sans faire quelque chose de neuf, il fouille continuellement dans l'âme pour décoder qu'est-ce que c'est. Alors, ça se promène à une vitesse folle, ça crée une espèce de fluctuation à l'intérieur, il peut y avoir des sécrétions de crinienne qui vont suivre, habituellement, ça fait une impression plus intuitive que d'autres choses, ça brasse. Et il y a des personnes qui, après la conférence, vont se sentir comme libérées. Mais en réalité, à un moment donné, bon, on finit par s'habituer, puis l'ego ne brasse plus, etc. Ça prend le temps que ça prend. Plus souvent, les femmes vont vivre ce genre de facteur, ou du moins, les femmes le disent plus souvent que les hommes. C'est comme tu disais tantôt, il y a une nuance, mais une grosse différence. Quand un interdit est-il une inhibition? Dur à lire ou dur à écrire? Quand vous décidez que vous devez le faire puis que vous ne pouvez le faire, c'est une inhibition. Alors, il vous faudra un travail par l'intelligence, le devoir intelligencer les choses, vous énergifier, vous ne pourrez pas faire autrement que de parvenir à cela en continuant à avancer. Identification personnelle, unification de conscience, vision de la réalité, plus besoin de motivation, une nouvelle forme de gustation de la vie. Il y a tellement de choses qui vont changer, ça se fait progressivement. Quand les changements se font, puis que l'ego n'est pas encore habitué à voir les changements se faire, il y a toujours une immense forme d'insécurité qui amène l'individu sur une forme de corde raide psychologique. Ça passe. C'est très agréable quand ça passe. Mais c'est drôlement plus agréable après qu'avant. Les techniques que l'on pratique, comme le ETM, démarche flottante et Mumphy, peuvent-ils nous apporter autant au point de vue vital et énergétique qu'un bon repas, comprenant soupe, steak et surtout le gâteau au chocolat? En d'autres mots... Je peux passer un bon repas. C'est pas des goûts, j'aime ça. Moi, du steak, puis, à part la soupe, là, le steak et le gâteau au chocolat. En d'autres mots, si l'on trouve intelligent de ne plus nourrir la psychologie, de ne plus stocker des mémoires dans des graisses inutiles par l'absorption de nourriture matérielle, est-ce possible, sans danger pour la santé du corps physique, d'avoir un apport vitalo-énergétique autre que celui que l'on connaît traditionnellement? Tout est possible. Donc oui. Mais l'ego ne peut pas décider que c'est le temps. Alors, une partie de l'ego qui a reçu de l'information se dit que l'alimentation, c'est problématique. Ça va de soi. La viande, surtout, c'est qu'on mange en même temps du sang. Le sang est le facteur qui communique le système hormonal, les hormones, dans le sang que ça se promène, chez les animaux comme chez les humains. Les hormones sont l'expression de la psychologie. C'est pourquoi on ne savait pas ce que l'on disait, mais traditionnellement, on dit que quand tu manges de la viande, tu ramasses le karma de l'animal. C'est-à-dire que tu ramasses une partie de son âme. Ça va de soi. C'est d'ailleurs pourquoi les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines, transfusion des résidus de l'âme. Pour eux, transfusion de l'âme. Bon, on va donner des raisons, là, mais c'est comme ça. Quoique ça ne dérange pas. Votre âme n'est pas pire que celle d'un autre, surtout si vous êtes pour en mourir. Prenez-la. Désinhibez-vous, libérez-vous, mais en tout cas, survivez. Après ça, vous verrez. Et le corps astral peut, à un moment donné, l'âme, une partie de l'âme peut décider qu'effectivement, ce serait mieux si on éliminerait la nourriture chimique, etc. Une molécule chimique c'est une molécule qui contient des atomes et qui a l'obligation stricte de s'associer dans une forme particulière, une onde de forme atomique. L'onde de forme, elle est obligée par l'énergie vitale de la forme. Quand on mange, on a besoin de fer. On a besoin en réalité de l'énergie vitale qui maintient les molécules de fer ensemble. C'est pourquoi une fois qu'on a absorbé l'énergie vitale, on va rejeter le fer, oxydé ou d'une autre façon. Et c'est pourquoi on aura besoin régulièrement de prendre du fer. Parce que si on aura besoin de l'élément chimique fer, bien on pourrait dire, crime, maintenant que j'ai assez de fer, pourquoi le corps ne le garde pas? Pourquoi doit-il le jeter? J'en prends d'autres, je le jette, j'en prends d'autres, c'est idiot. Mais j'ai besoin de l'énergie vitale qui maintient la molécule de fer. Quand j'ai absorbé la partie que j'avais besoin, le reste étant inutilisable, je rejette cette partie de l'énergie que je ne digère pas et elle va être rejetée dans une association chimique du fer, du cadmium, etc. C'est pourquoi on a besoin d'aliments matériels parce que l'aliment matériel nous amène l'énergie vitale qu'on a besoin. La question ici, en respirant consciemment, restons, en contrôlant mentalement le corps physique Menfi, en faisant des élongations tendinomusculaires qui font partie des techniques CANVI, canalisation de l'énergie vitale, donc de la vie, pourrions-nous arriver à un point où on serait capable d'absorber suffisamment d'énergie vitale pour ne pas avoir besoin de l'absorber dans l'aliment? Oui, c'est évident. Sauf que le corps physique doit être rendu à un point de subtilité et le corps vital doit être rendu à un point de subtilité permettant l'application de techniques tragales que l'individu ne connaît pas. Un autre niveau de technique, à un moment donné, qu'on a mis au point au niveau du PMC. Et ces techniques ont l'avantage de libérer l'individu qui les pratique. Sauf que la personne, elle comprend l'essence de la chose, elle doit encore continuer à pratiquer, puis à un moment donné, ce qui va arriver, elle aura besoin de moins en moins de manger en conservant sa forme physique. Donc, elle ne peut pas décider philosophiquement qu'elle arrête de manger. À un moment donné, elle aura de moins en moins besoin de manger. Elle se retrouvera comme moi. Elle mange gros comme ça, mais elle le digère tellement qu'elle n'a pas besoin de manger gros comme ça, comme la majorité des personnes. Alors, je mange 2 repas par jour de temps en temps quand je n'oublie pas. Et puis, je mange pas grand-chose parce que je digère bien. Mais je fais de la condition en condition physique impeccable, ça ne paraît pas avec un veston, mais n'empêche. Et la personne, progressivement, va s'en aller là. Elle va devenir de plus en plus végétarien cru. Et sans philosophie d'alimentation, elle va finir par être capable de s'ajuster à ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce que l'inhibition? Est-ce nécessairement intelligent? C'est nécessairement intelligent. Parce que ça vous oblige, sans l'intelligence, à parvenir à toucher votre intelligence. Une fois que vous l'aurez convenablement assimilé, les inhibitions vont tous s'ajuster. Vous ne serez plus inhibé, vous ne serez jamais libéré. Autrement dit, vous serez capable d'être ce que vous êtes, tout en continuant à conserver le respect que vous avez de vous-même, tout en obligeant les autres à vous respecter uniquement par le rayonnement d'énergie que vous allez dégager. J'ai fait une conférence dans une bibliothèque cette semaine. Quand j'ai fini la conférence, la directrice de la bibliothèque, elle vient me voir avec quelques personnes qui jasent avec à côté de moi, et puis à un moment donné, je leur dis aux personnes, bon, bien voilà, il était 7h, fait qu'on a en masse jasé, fait que bon, allez vous coucher, bonne soirée. Les gens sont partis convenables, heureux, ça va, c'est bien. Elle vient me voir après, elle dit, là, vous m'avez impressionné sur toute la ligne, mais la finale, comment avez-vous pu être capable de dire aux gens que c'était assez, sans que les gens se frustrent? C'est ça. Les gens vont vous autoriser, quand vous allez être suffisamment transparent avec vous-même, donc désinhibé avec certains individus, n'importe quelle personne va goûter ce que vous allez rayonner, à un point tel qu'on va vous autoriser des choses pour qu'ils vont vous permettre d'être ce que vous êtes, qu'on va refuser à d'autres. Je lui ai dit, ben c'est parce que c'est comme ça. La désinhibition, elle n'engendre pas de problématique et elle n'amène que des choses convenables, intelligentes. C'est intelligent d'être inhibé uniquement pour se libérer des facteurs animaux. Est-ce nécessairement amené par l'intelligence? C'est une mécanique qui est nécessairement amenée par la friction entre l'intelligence et la mémoire. Donc, entre l'expérience de l'homme et le neuf. Quelqu'un de désinhibé est-il quelqu'un de libéré et intelligent à la fois? On peut dire que c'est exactement cela. Mais ça veut dire qu'une personne désinhibée ne pourra pas vous, par exemple, lorsqu'elle vous serre la main, vous tenir la main. Non. Une personne désinhibée, donc libérée et intelligente, ne pourra pas emprunter votre automobile comme ça. Elle ne pourra pas vous mettre la main sur l'épaule comme ça. Donc, est-ce que c'est libéré et intelligent? Il faut faire attention. Personne libérée et intelligente, est-ce qu'elle aura des relations sexuelles avec n'importe qui? Bien, ce qui est, de vue d'une personne libérée, la personne libérée va dire, ben oui. Ben c'est non. Alors la personne libérée va dire, d'abord être accompagnée. Non, elle est libérée mais intelligente. Ah, mais traites-tu de con? Non, mais c'est ça. Alors, oui et non. Il faut faire attention avec les parallèles d'archétypes. Y a-t-il présentement des individus dont le rôle serait de nourrir énergétiquement l'égrégore PMC afin que d'autres individus plus évolués, entre guillemets, puissent s'y abreuver ou se survolter énergétiquement? Oui. Si oui, qu'adviendra-t-il de ces sacrifiés piégés? Ne sont-ils pas des esclaves de la transition? Non. PMC, programme maître contrôleur, oblige n'importe quelle... La seule énergie qui peut pénétrer dans l'égrégore PMC est une énergie d'un être humain qui devient son seul maître, qui se dirige vers être son seul maître. Donc, il est accessible à n'importe quel niveau et il est libre de s'en aller n'importe quand. Sauf que l'énergie qu'il aurait dilapidé ailleurs, il l'a placée dans l'égrégore. S'il s'en va, il la perd comme il l'aurait perdu ailleurs. Puis s'il reste, un jour, elle va lui servir de toute façon. Donc, il n'est pas piégé, il n'est pas sacrifié non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas son énergie pour faire quelque chose. Lui, il avance dans un niveau. Comme toutes les personnes qui sont ici ce soir, vont nécessairement à leur insu, énergétiquement, aider peut-être telle ou telle autre personne là-bas qui avait juste besoin d'un petit quelque chose pour changer de cap. S'en aller vers l'initiation solaire, vers le plaisir de vivre, vers la facilité d'évolution. Alors, on va dire, oui, mais ça veut dire qu'on s'est fait têter. Non, non. On regarde une émission de télévision, on nourrit le monde de la mort. On fait etc., etc. Non, l'énergie, on en rayonne régulièrement, mais elle n'est pas consciemment, elle n'est pas coordonnée dans le rayonnement, donc on en perd régulièrement. Mais que des individus s'en servent, tant mieux. Mais il n'y a personne qui est piégé là-dedans. Par contre, si, ce que l'on va faire, c'est que si on dit aux individus, par exemple, allez vous confesser à l'Église, là, tu prends une partie de ton poids karmique et tu le replaces dans l'égrégore, par exemple, chrétien. Là, c'est un peu comme si tu sacrifiais ton énergie. Pourquoi? Parce que le poids de tes péchés va t'amener à une forme d'écœurement qui va te faire éclater au-delà de tout ça, avec une inhibition spirituelle qui va t'amener vers une évolution sur l'autre niveau. Par contre, ça a en même temps un avantage, c'est que si l'individu a de la difficulté puis il souffre régulièrement, le fait de se confesser le libère de ses péchés, donc il souffrait moins. Mais il est redescendu un peu. Il devra attendre que la chrétienté au complet change de camp pour changer avec. Encore là, est-ce qu'il s'est fait avoir? Oui et non. C'est utile, c'est utilisable, on s'en sert. Mais il n'y a personne qui perd là-dedans. Il me paraît illogique d'avoir à nouveau à construire un corps éthérique, car lors de l'effusion, juste avant de se matérialiser, l'homme n'avait-il pas un corps éthérique? L'homme avait un corps éthérique, sauf que ce corps éthérique n'avait pas la même capacité. C'est une forme moroncielle que l'homme avait. Quand l'on parle d'entité moroncielle, ce sont des traces laissées par l'effusion de l'homme, alors que le double éthérique est une consistance qui provient de l'expérience astrale de l'homme. C'est l'enveloppe de l'âme, c'est une âme pure. Donc, le double éthérique est créé à partir de la purification de l'âme planétaire, ce qui fait que l'entité moroncielle, le double éthérique avant l'effusion, est un double éthérique qui ne peut absolument pas servir la matière, qui ne peut donc absolument pas servir l'expérience de l'homme dans la matière. Alors que présentement, ce qui se passe, c'est que l'être humain va être capable de restructurer disons, la matière moroncielle ou l'énergie moroncielle, l'énergie vitale, pour lui permettre de parvenir à une forme d'ajustement entre ce qu'il est dans le plan de l'humain, donc un phénomène évolutif, et ce qu'il aurait été dans le phénomène évolutif avant qu'il devienne terrestrifié. Alors, l'être humain, en passant, on ne travaille pas pour construire un double éthérique, ça va se construire. On doit travailler pour s'en égoïser. Et comment on le fait? Bien, on continue simplement à chialer. À un moment donné, on finit par moins chialer. Puis on continue à faire ce que l'on fait. C'est évident que si on va vers la désinhibition, si on veut... Si on a la capacité énergétique d'appliquer convenablement, par exemple, ce qui est dit en conférence, ou ce qu'on peut trouver un peu ailleurs, ça va énormément accentuer le phénomène. C'est comme de dire, pourquoi digérer une pomme? Avant qu'elle soit pomme, elle était déjà digérée, c'est vrai. Mais c'est bon que tu la digères. Ça va être utile énergétiquement. Comment un corps énergétique peut-il être détruit? Ben, c'est très extrêmement simple. Prenez du plutonium, puis faites une fission nucléaire avec, c'est détruit. Mais en réalité, c'est que ce qui constitue le corps n'est pas détruit, mais le corps est détruit. Alors, si on prend une pomme pour la laisser pourrir, ce qui constitue la pomme n'est pas détruit. Tous les éléments sont là. La pomme, elle, c'est détruit. Dans un espace sans temps, le corps énergétique est. Comment peut-il être à la fois être et ne pas être? Pour la simple raison qu'il n'est pas. Il est là, mais il n'est pas là. Il est où? Il n'est pas là. D'ailleurs? Non. On s'est déjà parlé de ça. La matière est-elle l'ennemi numéro un de l'énergie? Est-elle si destructrice? La matière n'est pas l'ennemi numéro un de l'énergie. La matière est le contenant de l'énergie. L'énergie contenue est de la matière. Qu'est-ce que l'amour intelligent? Comment l'appliquer? Là, qu'est-ce que et comment l'appliquer? Les trois conférences du prochain mois sont sur l'amour intelligent, enfin sur l'émotion, sur l'amour intelligent, sur ces choses-là. Alors c'est plus là qu'on va répondre, on va expliquer qu'est-ce que c'est, pour expliquer comment l'appliquer. J'ai l'impression d'entamer une période où le système émotif doit céder la place à la logique. J'ai l'impression que sur ce qui m'est présenté à vivre ces temps-ci, quelque chose de moi se casse et reste intact. J'ai l'impression que je dois passer, sinon je vais périr, ce qui signifie peut-être redescendre, évoluer. Je trouve illogique de périr et illogique de passer de façon maso-territoire. Il y a quelque chose que je dois faire et que je ne trouve pas. Est-ce parce que c'est un néotype? Quel conseil me donnez-vous? Merci. Bon, je ne donne pas de conseil. En plus, vous êtes chanceux, ce n'est pas un néotype qu'il vous faut. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Il y en a suffisamment qui ont vécu ça. Donc, il y a en masse de place pour instruire. Par contre, vous allez devoir trouver vous-même ce qu'il y en est. Pourquoi? Parce que c'est nuisible de l'apprendre. Souvent, dans l'évolution, c'est le chemin que l'on fait pour comprendre qui est utile et non pas la compréhension de la mécanique. Donc, si on l'enseigne, vous comprenez, n'ayant pas fait le chemin, ça ne vous sert à rien. Vous allez devoir comprendre d'autres choses ailleurs. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'après 2-3 ans de compréhension, ben, fait 2-3 ans simplement que tu as reporté dans le temps une forme d'éclatement, une naissance. Et ce qu'elle vit la personne, c'est correct, le mental commence à se personnaliser, donc le mental commence à dire à ce qu'il a créé, sa mère, l'astral, l'ego, l'âme, ben là, c'est assez. Puis là, quand l'âme décide de faire quelque chose émotivement, puis le mental trouve que c'est illogique, ben ça, non, on ne fait pas. La personne commence à vivre une scission entre le mental et l'ego, entre le mental et l'astral. Elle va apprendre à discerner entre le mental et l'astral. Et par la suite, elle va vivre la mentalisation. Elle va s'inhiber de la mentalisation. Elle va se libérer de la mentalisation pour recommencer à s'inhiber plus tard. Ou elle va se désinhiber de la mentalisation. En réalité, non, elle va s'inhiber de la désinhibition avant, puis elle va, bon. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes nous disent, « Ouais, mais j'en ai encore un bout à faire. » Ça dépend toujours de la vitesse avec laquelle vous vous déplacez. La distance n'a pas d'importance. Et l'ego regarde toujours en fonction de la vitesse à laquelle le vaisseau spatial ego voyage. Pour un ego, quand il regarde tout ce qu'il a à faire, il se dit, « Ouf, pas rendu. » Mais il pense pas si bien dire. Il n'est pas rendu certain, c'est pas lui qui va y aller. C'est ça. Il est vraiment bon. Sauf quand il regarde la distance, ta parouette. Non, au niveau mental, au niveau supramental. Oui, mais c'est quoi ça? Tu sauras. Dans les mots que tu voudras, tu vas en avoir une idée, une teneur de ce que c'est. Puis la vitesse de déplacement là-dedans, c'est, l'ego ne peut pas imaginer ça. C'est comme le gars qui se dit, il faut fouiller à Québec, puis je suis seulement en patin à roulette. Non, quand on va à Québec, on prend un avion réaction. Puis un avion réaction, avion, il connaît pas, réaction, il connaît pas, c'est ça le sujet, l'avion réaction. Puis l'ego est attaché en arrière en patin à roulette, c'est pour ça qu'il a l'impression de se faire charrier. Ça doit être assez étourdissant. Tu dis que la gêne n'est pas nécessairement une inhibition. Qu'est-ce que c'est alors? La gêne, premièrement, il y a des personnes qui sont gênées uniquement pour bien paraître, inconsciemment. Il y a une grande partie de la gêne qui est un manque d'énergie. On n'a pas l'énergie pour arriver à faire quelque chose. En plus, il y a la gêne qui apparaît uniquement parce qu'on n'est pas relié à un archétype qui devrait nous instruire de comment on devrait agir. Vous rencontrez le pape, toute pognée, toute gênée. Vous n'êtes pas inhibé nécessairement. Vous ne savez pas comment agir devant un pape. On vous montre comment, gars, quand tu vois un pape, tu dis « Bonjour, ceci, cela, est-ce que je l'appelle ici, votre honneur, mon père, pape, Dieu. » C'est ça qui fait que on t'explique comment faut que tu le fasses, puis après ça, maintenant que tu sais tout, si tu ne peux pas faire plus, tu es inhibé. Puis plusieurs personnes qui maintenant vont être capables, ils vont sentir la patate se promener, etc. Ben oui, les sécrétions endocriniennes, ils se nourrissent de l'énergie du pape, puis ils en ont tellement, parce que le pape, c'est lui qui ramasse l'énergie de l'égrégore catholique, donc il y en a en masse. C'est pour ça qu'une personne qui n'est pas pape est petite, quand elle devient pape, elle a un charisme subi énorme, elle a le charisme de tous les papes réincarnés chez elle, et en même temps, elle a le charisme de l'Église catholique qui est transfusé par elle. Alors la personne, elle va donc réagir, mais elle pourra le faire, elle est gênée parce qu'il lui manque des formations. Et il y a des inhibitions qui sont des inhibitions, et nous allons appeler ces inhibitions-là gêne. C'est pas la gêne, plus gêné, pas capable plus, mais on l'appellera gêne. Si la gêne amène un tic, est-ce que c'est de là que vient la gêne éthique? Non, mais c'est de là que viennent les farces plates. C'est l'autre question. Le bégaiement me semble inintelligent, donc n'est-ce pas une inhibition? Donc ce n'est pas une inhibition. C'est alors une médiocrisation. Alors une thérapie libératrice ne ferait pas l'affaire non plus, ça prendrait une intelligentiation. Oui, sauf que je connais des personnes, j'en connais au minimum une en tout cas qui bégaye, et chaque fois qu'elle doit, bon, il y a des exercices qu'on faisait à un moment donné au niveau d'un séminaire. Au niveau d'un c'est qui tu connais qui bégaye? Et puis, il y a des mots qu'il ne faut pas dire. D'ailleurs, je vais revenir sur la deuxième forme de bégaiement. Et la personne, lorsqu'elle commence à être reliée le moindrement avec elle, elle ne bégaye plus. Puis à l'instant où elle fouille dans sa mémoire pour parler, là, c'est toujours en train de bégayer. Alors, il y a effectivement une médiocratie. L'ego a après communiqué d'une certaine façon. L'ego reste branché sur certaines formes de mots. Il y a aussi des contacts neuroniques qui sont synergisants, c'est-à-dire que tu dis la pomme, puis la pomme, il y a des contacts neuroniques qui vont établir le mot avant d'être transmis, et ça fait la pomme, puis ça retourne, la pomme, ça passe. Alors qu'un bégaiement qui provient d'une problématique de communication, soit qu'intelligence veut pas que tu parles, soit qu'il y a une partie d'ego qui ne veut pas que tu parles, soit qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, ça vient de sortir, et puis là ça entrefouille. Il y aura une forme de bégaiement dans le genre la pomme. Est-ce que c'est et moi, quand ça arrive que je bégaye, ça va arriver à un moment donné que tout ce que j'ai à faire, c'est brrr. Après ça, je continue, c'est fini. Donc, j'ai simplement, totalement, je me suis désassujetti de tout ce qui était dans ma tête. J'ai vidé la cornemuse, j'ai vidé l'air. Bon. Je pense que maintenant que les caves sont parties, là, je peux continuer. Est-ce que c'est l'intelligence qui ne veut pas s'exprimer? Ou de temps en temps, c'est l'astral qui empêche l'intelligence de passer? Les deux. Dépendant des individus. Tu as appris quelque chose, tu rentres chez toi, tu viens pour le dire comme ça, puis ou tu n'as pas les mots du tout, ou ça bégaye, ça plante. C'est ça. C'est parce que là, tu vas faire une connerie totale, tu es totalement désajusté. Est-ce que quelqu'un qui a tendance à bégayer devrait arrêter de parler pour recommencer? Quand ça oui, c'est la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter, conscientiser, donc intelligencer la communication. Je veux communiquer sans bégayer. Par la suite, si elle parle en s'écoutant, elle ne bégayera sans doute plus du tout. Mais à l'instant où elle se réchauffe, l'ego va vouloir prendre le dessus un peu, elle va cesser de s'écouter et elle peut recommencer. Mais c'est un travail qui se fait. On peut parvenir à faire en sorte qu'un bec ne soit plus bec. Si l'inhibition provient nécessairement de l'intelligence, il me semble que si on est réellement intelligent, on devrait pouvoir facilement se désinhiber. Eh bien oui, voilà, c'est la preuve qu'on n'est pas réellement intelligent. Voilà, ça règle le problème. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de savoir une chose avant de l'avoir apprise. C'est pas intelligent de réfléchir. C'est intellectuel de réfléchir, c'est méritoire de réfléchir. De se casser la tête, de chercher des choses, de devoir apprendre des choses. Mais c'est ça, c'est intellectuel. Cette intellectuance, elle est extraordinairement puissante. Elle nous permet d'associer des choses pour nous arriver mathématiquement à découvrir une réponse. Mais on n'a pas pondu la réponse. On a cheminé jusqu'à la réponse. C'est expérientiel. On vient de l'expérience. Bon, et là-dedans, il y a des erreurs. Dans le cheminement. La personne a raison. Si on serait suffisamment intelligent, il n'y aurait pas de guerre sur la planète. Il n'y aurait pas de problème entre les sexes. Il n'y aurait pas de si, de ça, c'est officiel, on ne serait pas tout pollué, puis on ne serait pas dans une salle ici à faire une conférence. Mais justement, on n'est pas suffisamment intelligent, on va le devenir. Et si l'ego se dit, ben moi je suis suffisamment intelligent, ça fait que, ben, il n'y a aucun problème. Il ne l'est pas plus, mais il joue le jeu qu'il veut jouer, qu'on lui permet de jouer. Qu'est-ce que l'inspiration d'un écrivain? Ego, émotion ou mentale intelligence? Non, c'est la mécanique qui fait que le diaphragme descend, hein, les intercostaux écartent la cage thoracique et les sous-clavières augmentent les épaules vers le haut. Alors, il prend une grande inspiration. Ça, c'est l'inspiration. Étant donné que dans les molécules d'oxygène et de carbone, c'est là surtout qu'on rencontre dans l'énergie vitale du gaz carbonique et de l'oxygène O2, pas de l'ozone O3, mais dans le CO2 et dans le O2, qu'on rencontre surtout les traces laissées par le rejet de l'air des autres individus, donc la communication astrale, l'atmosphère. Quand vous rentrez quelque part, vous vous dites, ouais, mais là, ici, là, c'est pas une bonne atmosphère, c'est ça. Ce que vous respirez perturbe votre corps astral, perturbe votre psychologie, vous manipule, vous n'aimez pas. On fait aérer et ça va aider, ou on change de pièce, changer d'air. Bon. L'inspiration de ces personnages ici, c'est uniquement émotif, ce n'est pas de l'intelligence. Par contre, il peut y avoir de l'intelligence laissée dans l'astral, c'est-à-dire c'est de l'astral supramental, de l'astral intelligent, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'intelligence qui a été communiquée par l'humain, et ça a été mémorisé. Et là, on a un artiste qui, par l'inspiration, donc à force de respirer la chose, finit par la décoder, et ça l'habite. Il est manipulé par et il commence à l'exprimer en chanson, en musique, en dessin ou en sculpture, etc. Donc, l'inspiration d'un écrivain, elle est émotive. Maintenant, si on regarde certains rares écrivains qui, eux, ont eu un contact avec de l'intelligence, ils avaient une coloration inspiratrice astrale pour que ce soit ajusté au public, mais ils avaient contact avec de l'intelligence. Alors, les personnages qui avaient contact avec l'intelligence, il y a eu Edgar Allan Poe à un moment donné, il y a eu George Lucas à un moment donné, il y a eu Frank Herbert, il y en a quelques-uns qui ont eu des contacts avec de l'intelligence, émotivisés par leur constitution. Mais habituellement, un écrivain, ce qu'il respire, c'est des choses qui pognent, que les gens se retrouvent dedans, etc. Mais c'est simplement l'atmosphère. Comment ça se fait qu'il y a des dictons, comme ce que tu as dit tantôt, là, changer d'air, puis pas aimer l'atmosphère, puis ça, qui sont là depuis un bon bout de temps, puis qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut lui donner une définition très différente, mais comment ça se fait qu'ils ont été sortis, ces dictons-là? J'ai besoin de changer d'air, dans le fond... On sait maintenant, d'après ce que tu dis tantôt, que c'est logique, qu'est-ce que ça veut dire. Mais on le disait il y a bien longtemps, on ne savait pas pourquoi. Oui, c'est comme par exemple être rouge de colère, à cause du sang. Mais tu as aussi être jaune de honte. Là, tu viens pas tout jaune. Bon. Et il y a des choses comme ça. L'individu qui, dans l'Antiquité, n'avait pas accès à l'information scolaire, n'avait pas accès à autant de bagages que nous, n'avait pas développé sa capacité de croire à son intellectuance autant que nous, avait de temps en temps l'obligation de croire son intuition en l'expression de son intelligence. Alors, à un moment donné, dans son langage décodé, il disait « jaune de honte ». C'est parce que l'aura d'un individu qui a honte exprime énormément de couleurs jaunes. Il apercevait par la sienne, mais pas dans son mental. La colère, une aura de colère, elle est rouge. Elle exprime énormément de vibrations rouges. l'individu d'un rouge particulier. Alors, l'individu voyait. Et on avait plusieurs choses dans le genre, ce qui va ajuster l'esthétique, les couleurs, etc. Lorsque la personne parle de changer d'air, c'est la même chose, c'est qu'elle le voyait, elle le vibrait, ça allait. Quand on dit tomber enceinte, pourquoi on parle de tomber? Tomber, c'est la chute. Tomber en amour. Bon, tomber enceinte, c'est la même chose. Parce que l'individu découvrait énergétiquement ou inconsciemment qu'il y a des mécaniques là-dedans qui font partie des phases de l'involution. Donc, tu tombes. Mais la personne, elle exprimait oralement une intuition. Par la suite, on fait maintenant tellement confiance à l'intellectuance qu'on n'arrive plus à sortir de nouveaux dictons. On arrive encore, très peu. Si, par exemple, on est gêné de rencontrer le sexe opposé pour de plus amples connaissances et qu'un jour, on décide de passer par-dessus cette gêne, car c'était tellement stupide d'agir de la sorte, est-ce une libéralisation ou une conscientisation? Premièrement, si on se désinhibe, on ne parlera plus de sexe opposé, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, on va néotyper, évidemment, le mot, comme de dire « ma femme, mon mari, mon ami ». À un moment donné, dans la désinhibition avec quelqu'un, c'est plus ça du tout. Alors, on devra néotyper. Comment allez-vous dire « je te présente un de mes amis », c'est pas « mes amis » m'appartient pas dans le néotype. C'est pour ça que quand on désinhibe, dans la néotypation, il y a énormément de mots qui ne vont plus. Bon. Le mieux, c'est que je sorte avec ta femme, comme ça, je veux dire, je vous présente la femme de mon chum. C'est moins compliqué. Même là, je suis ton chum. Ça marche pas plus. Ah, ouais. Ah. Maintenant, la personne ici, bon, elle est gênée, elle voit la stupidité. Si elle doit recommencer chaque fois à intelligencer la gêne, elle sera probablement désinhibée. Si c'est réglé et c'est acquis, elle est probablement libérée. Tout à l'heure, j'ai bien expliqué que dans la désinhibition, on doit récidiver chaque fois. Quand on est libéré, c'est fait. Jusqu'à temps qu'on devienne inhibé, mais c'est fait. On est correct. Donc, je ne suis plus gêné avec vous. Tout à l'heure, j'expliquais justement à Charles, je vais chez lui régulièrement, et même si le matin, quand je vais chez lui, je sonne. Alors que j'écoutais quelqu'un qui me disait à un moment donné, « Ben oui, non, chez Charles, on ne sonne pas, on rentre. » C'est ça. Si Charles me dit, « Quand tu viens, ne sonne plus. » Je ne sonnerai plus. Mais quand j'arrive chez lui, je sonne. Je ne suis pas gêné. Je ne suis pas poli. Je suis désinhibé avec la maison ou avec la famille. Et ça ne change rien. Le respect est total. Je sonne. Bon. Si on se voit à travers la fenêtre, je ne sonne pas. La personne libérée, elle va rentrer. Or, il n'y a pas grand nuance. Je dis, il n'y a pas grand nuance, mais il y a une Christine nuance. Bonne fois, je joue un tour, je vais enlever la sonnette. C'est moi qui vais jouer un tour, je vais rentrer sans sonner. Si cette fois-là, il aurait voulu que je sonne. Ben... Pourquoi n'est-il possible de parler à plusieurs personnes ici et qu'à toi, ça m'est impossible? Pourtant, je viens à tes conférences. Pour la simple raison que c'est absolument essentiel que vous ne puissiez pas me parler facilement. C'est intelligent. Moi, ça me laisse en paix. C'est pour ça que c'est intelligent. C'est une bonne chose. Et autre chose aussi, ça vous oblige à vous prendre en main parce qu'il y a énormément de questions que vous pourriez vous répondre, que vous seriez tenté de venir me poser comme ça banalement, si on pourrait jaser comme ça, sans problème. Alors, ça vous oblige à venir à une conférence, à bénéficier de certaines choses, ça va de soi, mais à rester vous-même. Je n'ai pas de disciples parce que, justement, ils ont peur de moi. Et les personnes qui font mon séminaire, bien évidemment, après le séminaire, on se comprend mieux, et les individus comprennent bien que lorsque je leur dis « non, je ne te réponds pas », bien, ils ne partent pas frustrés. C'est correct. Bon, on établit des points de communication qui facilitent les choses. Mais je n'entretiens pas cela. Vous non plus. C'est convenable aussi. Ça vous évite de vous ramasser à un moment donné avec un maître. De vous ramasser à un moment donné assujetti. Vous devez rester avec ce que vous êtes. Vous devez parler entre vous, puis entre vous, il n'y a pas grand-chose qu'une personne ici tombe disciple de l'autre à côté. c'est intéressant et c'est correct, c'est convenable. Les individus restent plus axés à être à minimum s'ils sont collectifs, à ne pas devenir collectifs par rapport à moi, et ça les obligera à être suffisamment individuels. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez être capable, ou du moins, moins vous allez être conçu pour vous faire omnibuler par moi, plus vous allez être capable de m'approcher. Autrement dit, plus vous allez devenir suffisamment solide pour ne pas risquer de vous faire enguirlander par mon contact, plus vous allez pouvoir vous approcher. Sinon, ben, il y aura des inhibitions qui vont carrément bloquer le processus et c'est convenable, c'est correct, c'est convenable. Ça rejoint aussi ce que tu disais tantôt, que finalement, c'est dans la recherche de la réponse que c'est intéressant. Non pas quand on peut me parler, ben, c'est parce qu'on peut me parler, mais c'est le chemin qui est intéressant. Et c'est correct. Quand je vois quelqu'un de libéré ou d'épanoui, j'éprouve un peu de mépris et de gêne. Explique. Bon, il peut y avoir, premièrement, la jalousie de l'ego. La personne, elle évolue, puis dans son évolution, elle a vu inconsciemment se placer les barrières d'inhibition. Ce qui inconsciemment lui fait dire que évoluer, tu n'agis pas comme ça. Quand elle voit les personnes agir de cette façon-là, elle peut être un peu triste, donc elle peut être gênée, elle peut avoir un peu de certaines choses, uniquement parce qu'elle se dit « que c'est donc dommage que les humains soient encore aussi bas ». Mais en même temps, il y a une gustation au niveau de l'ego qui lui fait dire aussi que on devrait être capable de faire ça évoluer. Et pas comme ça. Mais on devrait pouvoir avoir du plaisir. Pas comme ça. On devrait pouvoir être... Il y a une nuance. Encore une fois, il y a une petite coche sur la clé. Énergétiquement, si je rencontre quelqu'un de libéré qui va arriver pour me donner des tapes dans le dos, comme on donnait l'exemple tantôt, énergétiquement, on dirait qu'il y a un blocage. On dirait pas. Il y a un blocage. Mais moi, j'appelle ça un viol. Un viol de l'espace vital. Est-ce que c'est ça qui peut faire en sorte aussi que on sent, la personne là-dedans dit qu'elle est gênée, puis un peu, l'autre terme, je ne sais plus c'était quoi? Mépris. Qu'il y avait du mépris par rapport à ceux qui sont libérés. Quand on ne l'est pas, quand on est inhibé. Oui, tu aurais un viol physique. C'est rare les hommes qui se font violer. Parce que l'homme est bâti de toute façon pour apprécier. Fait que finalement, il viole et il ne dure pas longtemps. Mais l'homme va vivre exactement ce que la femme vit, puis la femme va le vivre aussi, plus ça va aller, elle n'en souffrira pas autant, parce que l'intelligence va canaliser le phénomène. Mais juste le fait, par exemple, que quelqu'un arrive, te mette la main sur l'épaule, ça va être aussi problématique que si quelqu'un t'aurait baissé culotte dans la rue. C'est un viol de ton espace vital. Ça, c'est la même chose. Ce ne sera pas juste le corps physique, là. Il y a le corps vital, il y a le corps astral, il y a le corps mental. Ce sera la même chose. Puis tu as le goût de reculer, mais c'est pas un goût, c'est même pas ça, c'est un réflexe. À moins que tu te libères, mais sinon, effectivement, tu ne peux pas être touché. Or, le mépris, la gêne, c'est un mélange de certains phénomènes. La gêne, le mélange, une forme de jalousie en même temps, tu ne peux pas, tu es gêné. En même temps, l'autre te gêne, parce qu'il y a plusieurs, on pourrait en parler longtemps. Mais le mépris, c'est surtout le phénomène que l'individu rendu à certains niveaux d'inhibition découvre inconsciemment que ce qui est l'autre, c'est pas correct. Vous allez admettre qu'un enfant fait certaines choses. On admet qu'il n'est pas inhibé. Un adulte fait la même affaire. Ça va pas. Il devrait être inhibé. Et s'il se libère, puis que vous n'êtes pas libéré, ni désinhibé, mais inhibé, mais on sait très bien qu'une personne libérée est dangereuse. C'est gênant. Mais genre gênant. Elle peut jouer avec ta cravate comme ça, alors que tu es président d'une conférence, là. Puis tu t'en fous, mais il y en a bien un capable de t'écouter. Tu sais que ta femme est libérée, elle monte sur le placin, puis elle ajuste un peu ta cravate, par descendre s'asseoir, là. Ah, là, il est plus beau, là. Là, toi, là-dedans, là, tabarnouf. Ça, on appelle ça de l'anégoïsation. Ah, ben, c'est, oui, c'est un égoïsme en Christie, sauf si tu chiales. Là, c'est de l'égoïsation. Si les thérapies servent en principe à se libérer, elles sont donc à proscrire. Pourquoi sont-elles si populaires? Non, ils ne sont pas à proscrire. C'est pas bon pour vous. Pourquoi ils sont si populaires? Les gens ont le choix souvent de sauter, d'éclater, de mourir, de se droguer, de s'alcooliser, de se suicider, de battre le voisin ou le famille, ou de se libérer. Bon, pour ça, ils vont recommencer, puis à un moment donné, ben là, ils vont être suffisamment conçus pour être capables de conserver l'inhibition, puis maintenant aller s'épanouir à un autre niveau. Donc, c'est populaire, c'est évident. Utopiquement, on recherche le paradis. Mettez ce que vous voulez comme mot à place, là. Puis la libération, elle nous ramène au paradis. Mais elle ne nous mène pas au paradis. Où cela nous mène-t-il? Au niveau social, on n'en a rien à faire. Au niveau social, la société, chaque fois que l'être humain souffre, là, c'est pour vous permettre de continuer à avancer. Il ramasse du karma social, ça nous libère un petit peu. Alors, on peut pas... c'est dommage. Puis quand nous, on sera suffisamment servi de la libération qu'on reçoit au niveau social, ben, eux en bénéficieront aussi. Alors, ce sera même plus facile pour eux autres. Pour pouvoir se désinhiber totalement, il ne faut pas avoir de barrière psychologique. Être vivant et pouvoir faire ou jouer avec n'importe quoi. À la condition que ce soit l'intelligence. Dernièrement, je parle à un adulte qui s'est amusé à faire des sauts périlleux dans un lit. C'est le lit d'un garçon de 9 ans. Lui aussi en faisait des sauts périlleux dans le lit. Et là, à un moment donné, il vient me voir, plus tard, on jasait, puis là, il dit, « Ouais, mais là, je ne sais pas si de bord, est-ce que j'étais désinhibé ou si j'étais libéré quand je me suis amusé de même? » Tu sais, à 30 ans, là, t'es amusé comme un enfant, à faire des conneries comme ça. Et je lui demande, « Est-ce que tu avais vérifié la solidité du lit? » « Ah oui! Est-ce que tu étais toujours consciente des dangers? » Tu sais, tu sautes, tu arrives sur le bord du lit, ou tu fermes la tête sur le meuble. Ah oui, ça, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu fais attention aux jeunes qui jouent avec toi? Absolument. Est-ce que tu fais attention aux salles protégées? Parce que lui devait être libéré. Oui. Est-ce que tu étais toujours conscient pendant que tu t'amusais? Oui. Tu étais désinhibé. Le jeune, lui, pouvait se blesser. Lui, il était libéré. Le plus grand danger, c'était que la mère du jeune décembre tapait les fesses. Évidemment. Mais t'es habitué, ils auraient mis les deux en punition. C'est ça. Quelqu'un d'inhibé serait-il quelqu'un de gêné ou de timide? On a déjà répondu, ça peut ne pas. Comme je répète encore une fois, quand vous êtes barré, vous ne pouvez pas pogner. Quand on est pogné, on va mettre beaucoup de mots là-dessus de façon à psychologiser la chose pour être capable de se créer une thérapie de libération. Et l'inhibition est transparente, donc on ne peut pas. Alors, est-ce que c'est gêné? Oui, mais c'est pas ça. Bon, est-ce que j'ai peur? Oui, mais c'est pas ça. Celui qui est à l'opposé de gêné ou timide, qui serait arrogant ou prétentieux, tout ça, il est aussi inhibé que celui qui est gêné? Non, si tu es arrogant, tout à l'heure, il peut être libéré. Mais il est aussi pas désinhibé. Ah, il va avoir raison, quelque part. Il va avoir raison. Mais c'est parce que je veux comprendre ce que je dis. Puis j'ai pas le temps de m'écouter tout le temps. Si l'inhibition n'est pas associée aux émotions telles que la gêne, la honte, la peur, pour éclaircir ce terme, l'inhibition, à quoi je pourrais l'associer dans un vocabulaire plus élémentaire? C'est ça qui est le problème, c'est qu'on doit néotyper, inventer des mots, donc le vocabulaire va être élémentaire lorsque vous aurez appris à vous en servir. Mais il n'y a pas de vocabulaire plus élémentaire qu'inhibition, c'est un mot parfait. C'est comme de dire, un jour on parle de l'amitié. Alors, comment puis-je définir l'amitié dans un vocabulaire plus élémentaire? C'est trouver un mot. Alors, il faut qu'on écrive beaucoup de livres. Alors, c'est vraiment pas un vocabulaire plus élémentaire. Il faudra qu'on, intuitivement, qu'on vive c'est quoi l'amitié. Bon. La beauté, c'est quoi la beauté? Si on n'a pas intuitivement associé une vibration au mot « beau », on ne pourra pas. Alors, inhibition, c'est la même chose. Désinhiber devient effectivement nécessairement le facteur qui l'émine ou qui harmonise les mécaniques énergétiques d'inhibition. Le mot « être poigné », c'est plus rural. Mais on ne peut pas mettre de valeur psychologique, je le répète, c'est exactement comme si vous ne pouvez pas aller à la guerre parce que vous avez peur. Subitement, vous n'avez plus peur. Alors, on vous dit, allez-y à la guerre. Et non. Pourquoi? Ben, je dois avoir le trac. Je suis gêné de ne pas avoir l'uniforme qui me fasse comme il faut. Et... Alors, on vous fait venir un tailleur, on vous en fait un superbe. C'est réglé. Allez à la guerre maintenant. Pourquoi pas capable? Pourquoi? C'est peut-être ma religion. Parfait. On te fait lire dans ta religion des parties du livre, des livres sacrés que tu n'as pas lu, là, puis on t'autorise la guerre dedans. C'est réglé. Maintenant, vas-y. On plus capable. Et c'est là le problème. Mais qu'est-ce que j'ai de bord? C'est transparent, une inhibition. Alors, on ne peut pas, par la psychologie traditionnelle, l'éliminer. C'est transparent. Tous les mots psychologiques qu'on voudra mettre dessus, si on les élimine, vous resterez inhibé. Alors que si on vous libère, tous les mots vont sembler s'en aller, ils vont se retrouver ailleurs. Vous aurez peur de d'autres choses, mais pas de ça. Alors, l'inhibition, c'est transparent. C'est quelque chose qui n'est pas décodable par l'ego. Ça n'est pas perceptible par l'ego. L'ego ne voit pas l'inhibition. Il en souffre. Il ne voit pas l'inhibition. Donc, il ne peut pas mettre de mots. Le mot, c'est une forme astralisée, c'est une forme égoïsée d'une perception, d'une vibration. Alors, on ne peut pas mettre de mots parce que l'ego ne la voit pas. C'est de l'intelligence. Vu que l'ego ne la voit pas, l'ego ne peut pas travailler dessus l'inhibition. L'intelligence peut. L'intelligence la voit, l'inhibition. L'ego ne la voit pas. Alors, l'ego, pour essayer de la voir, il met des mots. C'est comme si vous ne voyez pas la vitre, et bien on va mettre du colorant dessus. Là, vous la voyez, parfait. Mais vous voyez pas de travers, ben c'est ça, c'est le problème. Alors, vous ôtez le colorant, puis vous ne voyez toujours plus la vitre. Vous voyez, on peut voir à travers. Mais l'ego veut voir la vitre, l'intelligence veut voir à travers. Il y en a un des deux qui va fonctionner. Quand l'ego voit la vitre, elle est colorée, l'intelligence ne voit plus. L'intelligence, elle est de l'autre côté, donc elle ne touche plus. Quand l'intelligence peut nous toucher, ben là, l'ego ne la voit plus. Et puis, ça reste, elle est là. Alors, l'ego ne peut pas mettre de mots convenables sur l'inhibition. L'inhibition, c'est quelque chose qu'on doit percevoir. Puis, lorsque l'ego aura suffisamment appris ce que c'est que l'inhibition, il comprendra ce que c'est que l'inhibition, et il dira, ben, la couleur de la chose, c'est le mot inhibition. Mais ce ne sera pas le mot peur, le mot stress, le mot angoisse, le mot, etc., non. D'un point de vue énergétique, on discutait tantôt que l'inhibition, c'est à chaque fois à refaire. La désinhibition, je veux dire. Et puis, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qui se passe énergétiquement entre deux individus qui se désinhibent? Parce que c'est pas mémorisé, c'est à chaque fois à recommencer. Oui, je peux, je ne veux pas trop. Pourquoi? Parce que je vais... Tout ce que j'explique, la personne devra faire d'autres choses. Parce qu'encore une fois, c'est le chemin qui est important et non pas la façon de le faire. Si j'explique cela, les personnes voudront essayer cela, et ça n'a pas de valeur. Bon. La désinhibition, c'est quelque chose qui semble très farfelu quand on commence à faire le travail. Parce qu'il n'y a pas de mots. Parce qu'on n'a rien à se dire. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça va mener. Et en plus, parce qu'on ne fait pas confiance à l'autre. Est-il suffisamment puissant pour ne pas se faire ramasser par les archétypes? C'est-à-dire que, est-il suffisamment puissant pour ne pas interpréter ce que je fais? Bon. Alors, tu décides ce soir de sortir avec ta secrétaire, on va voir un film qui l'a toujours intéressé. Tu te rends compte qu'elle ne se décide pas à y aller. Alors, tu finis par dire, bon, bien, je vais lui offrir. Si elle veut, on ira. Si elle veut pas, on n'ira pas. Ce n'est pas une liberté. C'est une forme de désinhibition en face du travail, du contexte ou de la secrétaire. Mais là, l'inhibition face à la désinhibition, l'inhibition est la plus puissante, mais là, elle va peut-être penser que c'est une proposition que je fais, tu sais, que c'est juste une entrée en matière. Elle peut se faire récupérer par les archétypes. L'archétype dit que quand un homme fait ça, nécessairement, un patron surtout, nécessairement, ça cause que bon. En plus, je te dis oui, mais si en plus, elle tombe en amour avec moi, va être faite. Donc, tu ne connais pas sa valeur. C'est pourquoi il devrait y avoir une communication d'apprivoisement. Est-ce que tu es déjà sorti avec ton patron à un moment donné pour aller voir un film? Sans que lui te court après, puis sans que tu cours après lui. Là, je vérifie. Oh! Ça n'existait pas un patron de même. Tu vas pas plus loin. Son niveau vibratoire est là. Archétypalement. Ah ben oui, ça existe, moi je suis de même. Il dit, ils ont tout dit ça. C'est comme lui, ça s'en sortira avec. Etc, etc. Alors, il y a, dans la désinhibition, il y a, comment ça se fait, ça, c'est pas explicable. Donc la meilleure chose à mesurer, finalement, c'est l'ouverture d'esprit, si je peux dire, sur la désinhibition, oui. Et non pas sur un sujet. Pas l'ouverture d'esprit, la vibration de l'autre par rapport à la compréhension de ce que tu veux faire. Les grandes questions dangereuses, tu n'auras même pas les mots pour les poser, il n'y aura vraiment pas de danger. Tu auras juste envoyé l'embête. L'espace. Et, en plus, ce qui va arriver d'intéressant, c'est que tu ne pourras pas te désinhiber avec une personne qui ne pourra pas te suivre. Donc, il n'y a personne qui, à cause de ta désinhibition, va pouvoir profiter de toi. Mais en même temps, ton ego et une partie vibratoire de ta conscience est écœuré de vivre dans un contexte où on est totalement, dont on doit continuellement se mettre des barrières pour se protéger. La journée que tu te désinhibes avec une seule personne, tu te mets rayonné. Et les autres vont le voir. Mais parce que par ton rayonnement, les autres seront obligés d'être inhibés en face de toi. Donc, tu auras la paix tout en étant toi. Alors qu'aujourd'hui, si les gens daigneraient à être eux-mêmes, ils n'auront pas la paix. C'est pourquoi on peut être soi qu'en se libérant, où là on accepte n'importe qui dans notre maison. Vital, mental, etc. Ben, ce n'est pas ça. Si on regarde les hippies, c'était libéré, c'était idiot. Puis on regarde les jeunes dans les écoles, c'est libéré. Je disais à des professeurs de dernièrement, quand vous commencez votre année scolaire, vous voulez faire un rapprochement avec les jeunes. Vous vous libérez face à eux, ils se libèrent face à vous. Puis après ça, ben là, ça devient souvent l'anarchie, les problèmes arrivent. Il y a un jeune, il mange la gomme, puis ça vous dérange, lui, il s'en fout, il est libéré. Il serait inhibé. Il ne pourrait pas. Au début de l'année, tout le monde est inhibé. Tout nouveau, tout beau. Et maintenant, on doit s'arranger pour travailler une désinhibition. Dans n'importe quel domaine, ça va. Mais dans notre vie, c'est encore plus là qu'il faut le faire, parce que c'est là où on va être capable de laisser sortir, c'est exactement ce que nous sommes du point de vue énergétique. Toute l'intelligence que vous aimeriez voir partout dans votre vie, dans votre corps, dans votre santé, dans vos relations, sur la planète, dans l'univers, ben c'est ça qui va sortir. Et pour que ça sorte, il faut que l'intelligence gère la chose. Sinon, c'est la mémoire émotive de ce que l'on veut qui va s'exprimer. Ça amène la libération. Ça amène le méritoire. Et on se fait une commune. Intelligent comme on est, tout ce qu'on sait, on va être correct. La question fondamentale, qui c'est qui va laver les toilettes? Ben oui, ben là, moi, évoluer comme je peux quand même pas... Donc on va bâtir des nouvelles tous les semaines, parce que les autres vont être assez crottés. On a engagé quelqu'un, un sale, là, comme il lave les toilettes. Là, mais, oui, mais il y aura toujours, ça change pas le cadre, change l'humain. Sur le reste, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'un groupe de personnes désinhibées peut vivre ensemble, en doute? C'est évident. C'est évident que oui. C'est évident que oui. Ah oui? Ils peuvent, est-ce qu'ils vont le faire? Ça dépend du contexte planétaire. Mais c'est évident que oui, ils n'auront aucun problème. Mais ils sonneront toujours quand ils iront chez l'autre. S'ils restent dans la même maison, ils vont être obligés de se mettre des sonnettes pour aller à la toilette. Ils ne resteront pas tous dans la même maison, justement. Ils ne pourront pas rester dans la même maison. Ils ne pourront pas vivre ensemble. Ils ne vont pas vivre ensemble. Mais pas dans la même maison. Même le couple, ils vont avoir chacun leur chambre. OK. Fin de la conférence. J'ai mon petit texte à vous lire. La semaine prochaine, la conférence aura pour titre « Faire en sorte que l'émotion ne nous nuise plus ». L'amour intelligent. C'est ça. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine.